J'avais des peines à nettoyer. Le manque de sous salit les mains. Beaucoup de doutes à cause de toi. J'ai tout noté dans mon cahier. Ça c'est pour tous les trafiquants. Un peu d'amour un peu méchant. Je vois mon rêve, je vois les étoiles. Et je pense à toi dans mon cahier. Je pense à toi, tu penses à moi. Dans le silence on fait des choses, on parle pas. À cœur ouvert, mets-toi dedans, laisse-moi conduire juste un instant, ne parle pas. Faut pas cacher tes sentiments, c'est pas des lol. Trop d'amour pour toi, tu l'imagines. T'es la seule à qui j'offre un bouquet de roses. Trop d'amour pour toi, tu l'imagines. Mais tes copines veulent tout gâcher. Tu sais le sang, j'ai plus les mots. Si nous deux c'est pour la vie, je veux te voir à la maison. J't'ai donné mon cœur car je t'aime de toutes les façons. Personne prend ta place car je t'aime de toutes les façons. Tu sais pour toi j'qui sors le night. J'essaie de cacher mes défauts. Mais tu devrais imaginer que toi et moi c'est maintenant. Toujours l'esprit d'une Kaira. Je noie tes peurs donc ça ira. Je garde ton cœur, je suis calibré. Je resterai ton allié. Balançant l'eau, ton pied, mon pied, on marche ensemble. Mais c'est depuis longtemps. Tu t'imagines tout plein de choses, mais tu dis vague, t'es mon petit bonbon. Faut pas cacher tes sentiments, c'est pas des lol. Trop d'amour pour toi, tu l'imagines. T'es la seule à qui j'offre un bouquet de roses. Trop d'amour pour toi, tu l'imagines. Mais tes copines veulent tout gâcher. Tu sais le sang, j'ai plus les mots. Si nous deux c'est pour la vie, je veux te voir à la maison. J't'ai donné mon cœur quand